et découverte, 18h-18h30. Salut à tous, vous êtes bien dans La Belle Découverte, on est mercredi et il est 18h et aujourd'hui et cette semaine on a décidé de vous parler de l'artiste Groundation, les artistes plutôt parce qu'ils forment un groupe et ils sortent leur album A Miracle qui sort sur le label Soul Beats Records et pour vous parler de cet album qui est sorti le 21 octobre, Elian a décidé de vous faire une petite topo biographique. Oui. Mister Biographie sur Fadjet. Alors Groundation, donc, comme tu l'as dit, un groupe de reggae qui a été formé en 1998 par Harrison Stafford, qui est le guitariste et chanteur, et Marcus Urani, qui s'occupe des claviers et de la mélodie. Ils sont accompagnés de Ryan Newman à la basse et de beaucoup de membres qui tournent régulièrement. On pense notamment à Mingo Lewis Jr., qui était le percussionniste de 2004 à 2007, qui a été remplacé par Ben Crames depuis 2007. Et c'est vraiment un groupe qui accueille beaucoup de gens dans ses rangs pour qu'il y ait plein d'influences. Effectivement, au niveau des featuring, déjà, il y a beaucoup d'artistes qui ont posé sur les sons de Groundation. On pense notamment à Pablo Moses sur le dernier album, ou par exemple les choristes de Bob Marley. Donc on pense à Jody Mowatt, ouais. Ou à Jody Mowatt. Jody Mowatt qu'on va justement écouter maintenant sur le morceau de Groundation qui s'appelle A Miracle, morceau éponyme justement pour ceux qui ont l'album et qui vont la voir et qui vont le procurer. Vous comprendrez tout de suite facilement que la pochette signifie simplement une personne enceinte et qu'on parle là du miracle de la vie. On vous fait écouter ça tout de suite, je pense que ça va vous déstresser si vous êtes en voiture. turns back on his feet again, again. Back at the well in the sun again. Well, he is back on his feet again, my friend. Back on the throne again. Wasn't it proven once already? Must it be proven once again that the greatest of the answer, yeah, moves onward with the beat. Belle découverte, 18h-18h30. Alors comment débriefer une chanson déjà qui est aussi fournie et d'ailleurs aussi longue, puisque 6 minutes 30 de chanson c'est à peu près la moyenne de Groundation, mais c'est assez rare même pour le reggae. C'est très fourni, ça va vraiment dans le détail au niveau des compositions, il y a beaucoup d'apports. On voit que ça a été travaillé en studio comme ça l'est travaillé en live pour les avoir vus en live. Comment on peut décrire ça, Anthony? Enfin, le style reggae est souvent caractérisé par, ben, par la voix de son chanteur et par la qualité de son bassiste, je dirais. C'est souvent à ça qu'on réduit un peu le reggae classique. Et là, on voit pour le coup que c'est quand même un reggae qui tire vraiment sur le jazzy de par la diversité des instruments, déjà. Parce que déjà, c'est pas une basse électrique, c'est une contrebasse. On l'entend bien, son très très rond. Et on voit bien que c'est un instrument complètement acoustique. C'est pas facile pour tout le monde de l'entendre, mais pour quelqu'un qui a une formation musicienne comme la tienne, ouais, effectivement, on entend ça. Nous, on entend que c'est différent, mais on saurait pas expliquer pourquoi. Donc effectivement, d'après toi, c'est une contrebasse. Oui, je suis quasiment persuadé que c'est une contrebasse, mais du coup, qui se joue donc un terme technique pizzicato, donc ça veut dire que le contrebassiste gratte avec les doigts en fait et pas avec l'archet sur D'accord. la contrebasse. Ok. Et du coup, oui, je suis quasiment certain que c'est une contrebasse. C'est déjà un apport du jazz, une incursion du jazz dans le monde du reggae qui est déjà très très intéressante. Et une autre incursion très très intéressante, c'est l'apport des cuivres qui, par un procédé d'écriture somme toute assez simple, c'est ce qu'on appelle des parallélismes. Les cuivres en eux-mêmes forment un accord et vont faire la même ligne mélodique mais sur des tons différents. Et ils vont se suivre et du coup, ça va former une suite d'accords. Et c'est un procédé relativement simple d'écriture. Mais somme toute très efficace. Mais c'est vrai que de toute façon, l'apport des cuivres, on le voit quand même relativement très souvent dans les groupes de reggae et même dans les groupes de ska. C'est un peu la formation basique, trompette, trombone, voire même un sax qui traîne, des contretemps, c'est souvent ça. Alors que là, c'est vraiment beaucoup plus recherché. Il y a une ligne mélodique au niveau des claviers, comme tu le dis, il y a la recherche d'instruments un petit peu différents par rapport à une basse classique, on a une contrebasse. On a vraiment la volonté du groupe d'aller faire un reggae plus calme, mais différent aussi. Bah alors pour le coup les claviers j'allais y venir juste après parce que effectivement le clavier a une place vraiment très très importante et je dirais plus importante qu'habituellement dans le style reggae puisque là en plus il utilise des sonorités de son clavier différentes puis on entend très bien le son piano au début du morceau, ensuite il y a plus un son de synthétiseur et voire de temps en temps presque une sonorité d'orgue électronique un peu et du coup c'est vrai qu'il utilise un panel de sonorités de son clavier assez varié ce qui finalement apporte une originalité et une diversité constante dans le morceau. Moi en tant que non spécialiste du reggae j'étais étonné par la voix de Jody Mowatt qui je trouve a des influences blues et ça rejoint un petit peu l'aspect clavier, c'est-à-dire qu'on a deux choses qu'on retrouve pas mal dans le blues et cette voix un petit peu qui traîne à la fin des phrases qui reste et qui est un petit peu comment dire un petit peu aérienne, c'est quelque chose qu'on a rarement dans le reggae, c'est un petit peu moins punchy, un peu plus doux et je trouve que ça prend pas mal au blues. Bah ce qu'il faut notifier quand même c'est que Jody Mowatt a une formation on va dire de choriste donc elle a l'habitude de s'effacer un petit peu pour laisser la place au chant lead et du coup c'est peut-être pour ça qu'elle traîne ses voix et que ça donne un côté aérien, c'est parce qu'elle prend pas le dessus sur la musique mais qu'elle l'accompagne en fait. Alors moi j'aurais peut-être une autre explication qui va peut-être vous sembler un peu tirée par les cheveux mais moi en fait dans la ligne mélodique du chant ça m'évoque en fait des sonorités plutôt des mélodies de style africain et du coup on parlait du miracle de la naissance de la vie et l'Afrique, berceau de la vie, ça pourrait être aussi un clin d'œil du compositeur pour des choses comme ça parce que vraiment moi la ligne mélodique de la chanteuse m'évoque vraiment des sonorités, des mélodies africaines. Ça serait pas du tout étonnant sachant la tendance de Harrison Stafford et de Marcus Urani à aller dans le détail, à aller dans la comparaison, à aller dans le parallélisme des choses pour signifier le message qu'ils ont. Le fait que la voix soit un petit peu maternelle comme ça, ce serait pas du tout étonnant que ce soit fait exprès, tout à fait. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'écoute un autre morceau, peut-être bien le plus connu de Groundation, celui qui s'appelle Hebron Gate. Long way between the surf and Zion. You say you've come a long way between the South and Zion. And then the warrior said, I too have made my way as I rule upon this rod of iron. Découverte 18h-18h30. Alors on a eu une exclusivité, un truc de dingue, on a eu l'opportunité génialissime de pouvoir interviewer justement Harrison Stafford et Marcus Urani. Avec toi Elian, on a eu cette chance là de les appeler pendant qu'ils étaient à leur hôtel parce qu'ils sont en tournée en France. Évidemment, on vous l'a dit, ils sont californiens, donc ils viennent jouer assez souvent en Europe et ça c'est une chance. Mais c'est quand même pas donné à tout le monde d'avoir l'opportunité de leur poser des questions. Sauf que nous on a eu cette chance et on vous en fait profiter maintenant. On débriefera entre nous des réponses qu'ils nous ont apportées pour comprendre un petit peu ce qu'ils ont voulu dire, et vous allez voir, c'est assez sympathique. Harrison et Marcus, bonjour. J'ai quelques questions pour vous pour le prochain CD qui s'appelle America et pour Groundation. Le groupe a été fondé en 1998. Le groupe a changé plusieurs fois. Pourquoi ? Oui, avec les membres fondateurs, on a déjà fait appel à plusieurs voix et featuring. C'est d'ailleurs surtout ce qui a changé, je pense, dans le groupe. Il y a peu de choristes qui sont restés sur le long terme. Vous avez fait plein de collaborations. Pourquoi est-ce que vous avez bossé avec toute la Jamaïque ? Parce qu'ils sont bons, mec, c'est tous des stars. Des magnifiques voix qui ont toujours inspiré le travail de Groundation. Moi, en tant que chanteur et dans ce qu'on fait, ça détermine notre objectif sur le long terme et du coup, ça donne de l'inspiration de travailler avec des gens comme Pablo Moses, Ijaman, Maestro Griffiths, Jody Mowat, tous ces grands artistes. C'est une unique opportunité d'enregistrer un grand nombre de voix légendaires qui maturent notre album et qui sait combien de temps on sera encore sur scène. Donc c'est évidemment un plaisir de travailler avec eux. C'est la raison pour laquelle vous avez choisi de bosser avec les choristes de Bob Marley ? Je suis vraiment content parce que la démarche vient de Marcia Griffiths elle-même. C'est une grande fan de Groundation et on savait que sur cet album qui avait pour but de mettre en valeur les voix féminines, Marcia serait celle qui serait faite pour ça. À côté de ça, l'album A Miracle a vraiment été écrit pour elle et Jody Mowat. Et on a eu le privilège de la voir et elle nous a rejoint. On s'est dit on était vraiment heureux d'avoir les choristes de Bob Marley. Pour vos spectacles, il y a Marcus, toi Harrison, Ryan à la basse, Tikanawa à la batterie, du trombone, de la trompette, des vocalistes. Ok, je suis content d'avoir les bonnes informations alors. Les gens disent que vous êtes l'un des groupes, voire le groupe le plus précis de reggae au monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un des groupes les plus précis, tu dis ? Oui, tu sais, vous allez dans le détail, dans vos enregistrements. Est-ce que c'est important pour vous ? Oui, bien sûr, on bosse comme ça depuis longtemps et nos productions s'affinent chaque année. On a une vision d'ensemble, généralement, sur ce que l'on fait et le travail en studio donne le temps de créer une œuvre réellement aboutie. Est-ce que c'est la raison pour laquelle les Jamaïcains t'appellent professeur ? Non, la raison pour laquelle il m'appelle professeur, c'est parce que j'ai étudié la musique à l'université et c'est là que Gwendolyn s'est formé. De combien de temps vous avez eu besoin pour enregistrer l'album A Miracle ? Deux mois et demi. Ah ok, c'est pas si énorme que ça, j'aurais pensé plus. Mais c'est à peu près 18 heures de travail par jour. On avait déjà abattu beaucoup de travail avant, tu sais, on va pas au studio si on ne sait pas ce qu'on va y faire. On est prêt quand on arrive pour enregistrer. Et si vous deviez choisir un mot pour décrire l'album A Miracle, ce serait lequel ? Un mot ? Beaucoup de mots. Et c'est une question difficile. On y réfléchit. Peut-être le meilleur ? Deux mots, en fait. Ouais, c'est vrai. Épique, dynamique. On va prendre dynamique, alors. Pourquoi vous jouez si souvent en France et en Europe ? Est-ce que c'est des endroits que vous appréciez particulièrement ? Oui, bien sûr. On joue aussi souvent en Amérique et aux États-Unis. On alterne souvent. Parfois, on va là où la musique est le plus attendue, et des fois, on va là où il y en a le plus besoin. Et c'est un plaisir de pouvoir venir ici en France. On a commencé à venir en 2004 et on a pris une année entière sans venir ici. C'est la première fois depuis que l'on revient et c'est très sympa d'être de retour à Paris et en Europe, de renouer le lien avec le public. C'est une sorte de recommencement avec des nouvelles chansons, un nouvel album. Peut-être une dernière question. Vous avez joué trois fois dans un festival de l'Est de la France appelé JDM, le Jardin du Michel. Vous vous rappelez de ça ? Bien sûr. C'est là que je vous ai découvert, c'est pour ça que j'en parle. C'était des grands shows, j'espère que vous allez rejouer dans l'Est de la France bientôt. Sur cette tournée, bien sûr, on a commencé par Montpellier, mais en tout, on a 4 ou 5 dates en France. C'est sûr que ça fait pas beaucoup, mais on va traverser toute l'Europe pour notre tournée, mais on aura plus de concerts chez vous au printemps prochain. Ok, c'est cool. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec moi et avec nous. Merci à vous, pas de problème. Et je vous souhaite vraiment le meilleur et surtout de garder le sourire. Bien sûr, ouais, on va le faire. La belle découverte, 18h-18h30. Alors on l'a entendu, 18 heures d'enregistrement, c'est énorme par jour pour cet album-là. En même temps, il faut bien comprendre que les chansons font 6 minutes 30 en moyenne. 2 mois et demi à 18 heures par jour, ça demande un travail de dingue, faut pas perdre la boule justement. Pourquoi ça a pris autant de temps d'après toi, Anthony ? Je pense que d'une part, ça l'a fait rigoler quand tu lui as posé la question dans l'interview, mais ils sont vraiment un groupe très très précis et très perfectionniste. Vu la diversité d'instruments, il faut énormément de temps pour enregistrer tous ces instruments-là à la suite. Et pour trouver la bonne couleur musicale, la bonne texture musicale. Ça pourrait être sympa aussi d'écouter l'un des autres styles musicaux qui est celui de prédilection de Gwendolyn. Ils peuvent facilement passer dans la rythmique beaucoup plus festive. Par exemple, ils nous ont gratifié sur le dernier album d'une chanson un peu plus ska avec Hold Your Head Up qu'on va écouter tout de suite dans La Belle Découverte. Whatever you speak, you're never gonna try. You got nothing to improve. It's not money that we need, whatever the price. It's greater than the fee, so there's one thing left to do. Oh, dream high in an ocean that goes on forever. Hey! cat's pie. World governments come to life. Free yourself of pride. Stop being rude. Use patience most the time. No matter what they do. So do I you dream nice. Look at life as an ocean lasting forever. Et c'est maintenant la fin de cette émission, puisqu'on approche de 18h30. On va laisser la place à Aurélie pour Sous toutes les cultures, et puis on se retrouve dans le menu étudiant à 19h30. Il y aura aussi Archiphonique aujourd'hui mercredi. Dans tous les cas, je vous invite vivement à nous rejoindre sur Facebook, puisqu'on vous fait gagner l'album de Groundation dont on vient parler aujourd'hui. Et surtout, n'hésitez pas à nous donner vos impressions sur l'émission, sur Groundation et le nouvel album qui vient de paraître. Et puis rejoignez-nous sur Facebook, Label Découverte, Label comme un label, et Découverte comme une découverte. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau groupe. Merci en tout cas de nous suivre. À très bientôt sur Fadjet. Ciao.